dont Daniel m'avait conseillé, en me quittant, d'aller dans un couvent de religieux, qui n'était qu'à un quart de lieue du château. « Il faut, me dit-il, vous tenir caché dans cette maison pendant quelques jours, pour vous dérober aux recherches que je serais moi-même obligé de faire. Voilà une lettre pour un religieux de la maison à qui vous pouvez vous confier. J'irai encore longtemps autour du château. Je ne pouvais me résoudre à m'en éloigner, mais le désir de savoir des nouvelles d'Adélaïde me détermina enfin à prendre la route du couvent. J'y arrivai à la pointe du jour. Ce religieux, après avoir lu la lettre de Dom Daniel, m'emmena dans une chambre. Mon extrême abattement et le sang qu'il aperçut sur mes habits lui firent craindre que je ne fusse blessé. Il me le demandait quand il me vit tomber en faiblesse. Un domestique qu'il appela et lui me mirent au lit. On fit venir le chirurgien de la maison pour visiter ma plaie. Elle s'était extrêmement envenimée par le froid et par la fatigue que j'avais souffert. Quand je fus seul avec le père à qui j'étais adressé, je le priai d'envoyer à une maison du village que je lui indiquais pour s'informer de Saint-Laurent. J'avais jugé qu'il s'y serait réfugié. Je ne m'étais pas trompé. Il vint avec l'homme que j'avais envoyé. La douleur de ce pauvre garçon fut extrême quand il sut que j'étais blessé. Il s'approcha de mon lit pour s'informer de mes nouvelles. « Si vous voulez me sauver la vie, lui dis-je, il faut m'apprendre dans quel état est Madame de Benavides. Sachez ce qui se passe. Ne perdez pas un moment pour m'en éclaircir et songez que ce que je souffre est mille fois pire que la mort. » Saint-Laurent me promit de faire ce que je souhaitais. Il sortit dans l'instant pour prendre les mesures nécessaires. Cependant, la fièvre me prit avec beaucoup de violence. Ma plaie parut dangereuse. On fut obligé de me faire de grandes incisions. Mais les maux de l'esprit me laissaient à peine sentir ceux du corps. Madame de Benavides, comme je l'avais vu, en sortant de sa chambre, fondant en larmes, couchée sur le plancher auprès de son mari que j'avais blessé, ne me sortait pas un moment de l'esprit. Je repassais les malheurs de sa vie, je me trouvais partout. Son mariage, le choix de ce mari, le plus jaloux, le plus bizarre de tous les hommes, c'était fait pour moi, et je venais de mettre le comble à tant d'infortunes, en exposant sa réputation. Je me rappelais ensuite la jalousie que je lui avais marquée. Quoiqu'elle n'eût duré qu'un moment, quoiqu'un seul mot lui fait cesser, je ne pouvais me la pardonner. Adélaïde me devait regarder comme indigne de ses bontés. Elle devait me haïr. Cette idée si douloureuse, si accablante, je la soutenais par la rage dont j'étais animé contre moi-même. Saint-Laurent revint au bout de 8 jours. Il me dit que Benavides était très mal de sa blessure, que sa femme paraissait inconsolable, que Dom Daniel faisait mine de nous faire chercher avec soin. Ces nouvelles n'étaient pas propres à me calmer. Je ne savais ce que je devais désirer. Tous les événements étaient contre moi. Je ne pouvais même souhaiter la mort. Il me semblait que je me devais à la justification de Madame de Benavides. Le religieux qui me servait prit pitié de moi. Il m'entendait soupirer continuellement. Il me trouvait presque toujours le visage baigné de larmes. C'était un homme d'esprit qui avait été longtemps dans le monde et que divers accidents avaient conduit dans le cloître. Il ne chercha point à me consoler par ses discours. Il me montra seulement de la sensibilité pour mes peines. Ce moyen lui réussit. Il gagna peu à peu ma confiance. Peut-être aussi ne la dut-il qu'au besoin que j'avais de parler et de me plaindre. Je m'attachais à lui à mesure que je lui contais mes malheurs. Il me devint si nécessaire au bout de quelques jours que je ne pouvais consentir à le perdre un moment. Je n'ai jamais vu dans personne de plus de vraie bonté. Je lui répétais mille fois les mêmes choses. Il m'écoutait, il entrait dans mes sentiments. C'était par son moyen que je savais ce qui se passait chez Benavides. Sa blessure le mit longtemps dans un très grand danger. Il guérit enfin. J'en appris la nouvelle par Dom Jérôme. C'était le nom de ce religieux. Il me dit ensuite que tout paraissait tranquille dans le château, que Madame de Benavides vivait encore plus retirée qu'auparavant, que sa santé était très languissante. Il ajouta qu'il fallait que je me disposasse à m'éloigner aussitôt que je le pourrais, que mon séjour pouvait être découvert et causer de nouvelles peines à Madame de Benavides. Il s'en fallait bien que je fusse en état de partir. J'avais toujours la fièvre. Ma plaie ne se refermait point. J'étais dans cette maison depuis 2 mois quand je m'aperçus un jour que Dom Jérôme était triste et rêveur. Il détournait les yeux et n'osait me regarder. Il répondait avec peine à mes questions. J'avais pris beaucoup d'amitié pour lui. D'ailleurs, les malheureux sont plus sensibles que les autres. j'allais lui demander le sujet de sa mélancolie, lorsque Saint Laurent, entrant dans ma chambre, me dit que Dom Gabriel était dans la maison, qu'il venait de le rencontrer. « Dom Gabriel est ici, dis-je, en regardant Don Jérôme, et vous ne m'en dites rien ? Pourquoi ce mystère ? Vous me faites trembler. Que fait Madame de Benavides ? Par pitié, tirez-moi de la cruelle incertitude où je suis. Je voudrais pouvoir vous y laisser toujours, me dit enfin Dom Jérôme, en m'embrassant. « Ah ! M'écriai-je, elle est morte. Benavides l'a sacrifiée à sa fureur. Vous ne répondez point ? Hélas, je n'ai donc plus d'espérance. Non, ce n'est point Benavides, reprenais-je. C'est moi qui lui ai plongé le poignard dans le sein. Sans mon amour, elle vivrait encore. Adélaïde est morte, je ne la verrai plus. Je l'ai perdue pour jamais. Elle est morte et je vis encore. Que tardais-je à la suivre ? Que tardais-je à la venger ? Mais non, ce serait me faire grâce que de me donner la mort. Ce serait me séparer de moi-même qui me fait horreur. » L'agitation violente dans laquelle j'étais fit rouvrir ma plaie, qui n'était pas encore bien fermée. Je perdis tant de sang que je tombai en faiblesse. Elle fut si longue que l'on me crut mort. Je revins enfin après plusieurs heures. Dom Jérôme craignit que je n'entreprisse quelque chose contre ma vie. Il chargea Saint Laurent de me garder à vue. Mon désespoir prit alors une autre forme. Je restai dans un morne silence. Je ne répondais pas une larme. Ce fut dans ce temps que je fis dessein d'aller dans quelque lieu, où je pusse être en proie à toute ma douleur. J'imaginais presque un plaisir à me rendre encore plus misérable que je ne l'étais. Je souhaitais de voir Dom Gabriel parce que sa vue devait encore augmenter ma peine. Je priai Dom Jérôme de l'amener. Ils vinrent ensemble dans ma chambre le lendemain. Dom Gabriel s'assit auprès de mon lit. Nous restâmes tous deux assez longtemps sans nous parler. Il me regardait avec des yeux pleins de larmes. Je rompis enfin le silence. « Vous êtes bien généreux, monsieur, de voir un misérable pour qui vous devez avoir tant de haine. « Vous êtes trop malheureux, me répondit-il, pour que je puisse vous haïr. « Je vous supplie, lui dis-je, de ne me laisser ignorer aucune circonstance de mon malheur. « L'éclaircissement que je vous demande préviendra peut-être des événements que vous avez intérêt d'empêcher. « J'augmenterai mes peines et les vôtres, me répondit-il. « N'importe, il faut vous satisfaire. « Vous verrez du moins dans le récit que je vais vous faire que vous n'êtes pas seul à plaindre. « Mais je suis obligé, pour vous apprendre tout ce que vous voulez savoir, de vous dire un mot de ce qui me regarde. » Je n'avais jamais vu Madame de Benavides quand elle devint ma belle-sœur. Mon frère, que des affaires considérables, avait attiré à Bordeaux, en devint amoureux. Et presque ses rivaux eussent autant de naissance et de biens, et lui fussent préférables par beaucoup d'autres endroits. Je ne sais par quelle raison le choix de Madame de Benavides fut pour lui. Peu de temps après son mariage, il la mena dans ses terres. C'est là où je la vis pour la première fois. Si sa beauté me donna de l'admiration, je fus encore plus enchanté des grâces de son esprit et de son extrême douceur, que mon frère mettait tous les jours à de nouvelles épreuves. Cependant, l'amour que j'avais alors pour une très aimable personne, dont j'étais tendrement aimé, me faisait croire que j'étais à l'abri de tant de charmes. J'avais même dessein d'engager ma belle-sœur à me servir auprès de son mari pour le faire consentir à mon mariage. Le père de ma maîtresse, offensé des refus de mon frère, ne m'avait donné qu'un temps très court pour les faire cesser, et m'avait déclaré, et à sa fille, que ce temps expiré, il la marierait à un autre. L'amitié que Madame de Benavides me témoignait me mit bientôt en état de lui demander son secours. J'allais souvent dans sa chambre, dans le dessein de lui en parler, et j'étais arrêté par le plus léger obstacle. Cependant, le temps qui m'avait été prescrit s'écoulait. J'avais reçu plusieurs lettres de ma maîtresse, qui me pressait d'agir. Les réponses que je lui faisais ne la satisfirent pas. Il s'y glissait, sans que je m'en aperçusse, une froideur qui m'attira des plaintes. Elles me parurent injustes. Je lui en écrivis sur ce ton-là. Elle se crut abandonnée, et le dépit, jouant aux instances de son père, la détermina à se marier. Elle m'instruisit elle-même de son sort. Sa lettre, quoique pleine de reproches, était tendre. Elle finissait en me priant de ne la voir jamais. Je l'avais beaucoup aimée. Je croyais l'aimer encore. Je ne pus apprendre dans une véritable douleur que je la perdais. Je craignais qu'elle ne fût malheureuse, et je me reprochais d'en être la cause. Toutes ces différentes pensées m'occupaient. J'y rêvais tristement, en me promenant dans une allée de ce bois que vous connaissez, quand je fus abordé par Madame de Benavides. Elle s'aperçut de ma tristesse. Elle m'en demanda la cause avec amitié. Une secrète répugnance me retenait. Je ne pouvais me résoudre à lui dire que j'avais été amoureux, mais le plaisir de pouvoir lui parler d'amour, quoique ce ne fût pas pour elle, l'emporta. Tous ces mouvements se passaient dans mon cœur, sans que je les démêlasse. Je n'avais encore osé approfondir ce que je sentais pour ma belle-sœur. Je lui contai mon aventure, je lui montrai la lettre de mademoiselle de N. « Que ne m'avez-vous parlé plus tôt ?» me dit-elle. « Peut-être aurais-je obtenu de monsieur votre frère le consentement qu'il vous refusait. « Mon Dieu, que je vous plains et que je la plains. Elle sera assurément malheureuse. La pitié de madame de Ménavides pour mademoiselle de N. me fit craindre qu'elle ne prît de moi des idées désavantageuses. Et pour diminuer cette pitié, je me pressai de lui dire que le mari de mademoiselle de N. avait du mérite, de la naissance, qu'il tenait un rang considérable dans le monde, et qu'il y avait apparence que sa fortune deviendrait encore plus considérable. « Vous vous trompez, me répondit-elle, si vous croyez que tous ces avantages la rendent heureuse. Rien ne peut remplacer la perte de ce qu'on aime. C'est une cruelle chose, ajouta-t-elle, quand il faut mettre toujours le devoir à la place de l'inclination. » Elle soupira plusieurs fois pendant cette conversation. Je m'aperçus même qu'elle avait peine à retenir ses larmes. Après m'avoir dit encore quelques mots, elle me quitta. Je n'eus pas la force de la suivre. Je restai dans un trouble que je ne puis exprimer. Je vis tout d'un coup ce que je n'avais pas voulu voir jusque-là, que j'étais amoureux de ma belle-sœur. Et je crus voir qu'elle avait une passion dans le cœur. Je me rappelai mille circonstances auxquelles je n'avais pas fait attention. Son goût pour la solitude, son éloignement pour tous les amusements, dans un âge comme le sien. Son extrême mélancolie que j'avais attribuée au mauvais traitement de mon frère me parurent alors avoir une autre cause. Que de réflexions douloureuses se présentèrent en même temps à mon esprit. Je me trouvais amoureux d'une personne que je ne devais point aimer, et cette personne en aimait un autre. Si elle n'aimait rien, disais-je, mon amour, quoique sans espérance, ne serait pas sans douceur. Je pourrais prétendre à son amitié, elle m'aurait tenu lieu de tout, mais cette amitié n'est plus rien pour moi, si elle a des sentiments plus vifs pour un autre. Je sentais que je devais faire tous mes efforts pour me guérir d'une passion contraire à mon repos, et que l'honneur ne me permettait pas d'avoir. Je pris le dessein de m'éloigner, et je rentrai au château pour dire à mon frère que j'étais obligé de partir. Mais la vue de madame de Ménavides arrêta mes résolutions. Cependant, pour me donner à moi-même un prétexte de rester près d'elle, je me persuadais que je lui étais utile pour arrêter les mauvaises humeurs de son mari. Vous arrivâtes dans ce temps-là. Je trouvais en vous un air et des manières qui démentaient la condition sous laquelle vous paraissiez. Je vous marquais de l'amitié. Je voulus entrer dans votre confidence. Mon dessein était de vous engager ensuite à peindre madame de Ménavides, car malgré toutes les illusions que mon amour me faisait, j'étais toujours dans la résolution de m'éloigner, et je voulais, en me séparant d'elle pour toujours, avoir du moins son portrait. La manière dont vous répondîtes à mes avances me fit voir que je ne pouvais rien espérer de vous, et j'étais allé pour faire venir un autre peintre, le jour malheureux où vous blessâtes mon frère. Jugez de ma surprise, quand à mon retour, j'appris tout ce qui s'était passé. Mon frère, qui était très mal, gardait un morne silence, et jetait de temps en temps des regards terribles sur madame de Ménavides. Il m'appela aussitôt qu'il me vit. « Délivrez-moi, me dit-il, de la vue d'une femme qui m'a trahi. Faites-la conduire dans son appartement, et donnez ordre qu'elle n'en puisse sortir. » Je voulus dire quelque chose, mais monsieur de Ménavides m'interrompit au premier mot. « Faites ce que je souhaite, me dit-il, ou ne me voyez jamais. » Il fallut donc obéir. Je m'approchai de ma belle-sœur, je la priai que je pusse lui parler dans sa chambre. Elle avait entendu les ordres que son mari m'avait donnés. « Allons, me dit-elle en répandant un torrent de larmes, venez exécuter ce que l'on vous ordonne. » Ces paroles, qui avaient l'air de reproche, me pénétrèrent de douleur. Je n'osais y répondre dans le lieu où nous étions, mais elle ne fut pas plus tôt dans sa chambre que la regardant avec beaucoup de tristesse. « Quoi, lui dis-je, madame, me confondez-vous avec votre persécuteur, moi qui sans vous peine comme vous-même, moi qui donnerais ma vie pour vous ?» Je frémis de le dire. « Mais je crains pour la vôtre, retirez-vous, pour quelque temps dans un lieu sûr. Je vous offre de vous y faire conduire. Je ne sais si monsieur de Ménavides en veut à mes jours, me répondit-elle. Je sais seulement que mon devoir m'oblige à ne pas l'abandonner, et je le remplirai quoi qu'il m'en puisse coûter. » Elle se tut quelques moments, et reprenant la parole, « Je vais, continua-t-elle, vous donner, par une entière confiance, la plus grande marque d'estime que je puisse vous donner. Aussi bien l'aveu que j'ai à vous faire m'est-il nécessaire pour conserver la vôtre. allez retrouver votre frère. Une plus longue conversation pourrait lui être suspecte. Revenez ensuite le plus tôt que vous pourrez. » Je sortis comme Madame de Benavides le souhaitait. Le chirurgien avait ordonné qu'on ne laissât entrer personne dans la chambre de Monsieur de Benavides. Je courus retrouver sa femme, agitée de mille pensées différentes. Je désirais de savoir ce qu'elle avait à me dire, et je craignais de l'apprendre. Elle me conta comment elle vous avait connu, l'amour que vous aviez pris pour elle le premier moment que vous l'aviez vue. Elle ne me dissimula point l'inclination que vous lui aviez inspirée. « Quoi ? » m'écriai-je à cet endroit du récit de Dom Gabriel. « J'avais touché l'inclination de la plus parfaite personne du monde et je l'ai perdue. » Cette idée pénétra mon cœur d'un sentiment si tendre que mes larmes, qui avaient été retenues jusque-là par l'excès de mon désespoir, commencèrent à couler. « Oui, » continua Dom Gabriel, « vous en étiez aimé. » Quel fond de tendresse je découvris pour vous dans son cœur, malgré ses malheurs, malgré sa situation présente. Je sentais qu'elle appuyait avec plaisir sur tout ce que vous aviez fait pour elle. Elle m'avoua qu'elle vous avait reconnu, quand je la conduisis dans la chambre où vous peignez, qu'elle vous avait écrit pour vous ordonner de partir, et qu'elle n'avait pu trouver une occasion de vous donner sa lettre. Elle me conta ensuite comment son mari vous avait surpris dans le moment même où vous lui disiez un éternel adieu, qu'il avait voulu la tuer, et que c'était en la défendant que vous aviez blessé Monsieur de Benavides. « Sauvez ce malheureux, ajouta-t-elle, vous seul pouvez le dérober au sort qui l'attend. Car je le connais, dans la crainte de m'exposer, il souffrirait les derniers supplices, plutôt que de déclarer ce qu'il est. Il est bien payé de ce qu'il souffre, lui dis-je, madame, par la bonne opinion que vous avez de lui. « Je vous ai découvert toute ma faiblesse, répliqua-t-elle, mais vous avez dû voir que, si je n'ai pas été maîtresse de mes sentiments, je l'ai du moins été de ma conduite, et que je n'ai fait aucune démarche que le plus rigoureux devoir puisse condamner. « Hélas, madame, lui dis-je, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Je sais trop par moi-même qu'on ne dispose pas de son cœur comme on le voudrait. Je vais mettre tout en usage, ajoutai-je, pour vous obéir, et pour délivrer le comte de Comminges. Mais j'ose vous dire qu'il n'est peut-être pas le plus malheureux. » Je sortis en prononçant ces paroles, sans oser jeter les yeux sur madame de Benavides. Je fus enfermé dans ma chambre pour résoudre ce que j'avais à faire. Mon parti était pris de vous délivrer, mais je ne savais pas si je ne devais pas fuir moi-même. Ce que j'avais souffert pendant le récit que je venais d'entendre me faisait connaître à quel point j'étais amoureux. Il fallait m'affranchir d'une passion si dangereuse pour ma vertu. Mais il y avait de la cruauté d'abandonner madame de Benavides, seule entre les mains d'un mari qui croyait en avoir été trahi. Après bien des irrésolutions, je me déterminai à secourir madame de Benavides et à l'éviter avec soin. Je ne pus lui rendre compte de votre évasion que le lendemain. Elle me parut un peu plus tranquille. Je crus cependant m'apercevoir que son affliction était encore augmentée, et je ne doutais pas que ce ne fût la connaissance que je lui avais donnée de mes sentiments. Je la quittai pour la délivrer de l'embarras que ma présence lui causait. Je fus plusieurs jours sans la voir. Le mal de mon frère, qui augmentait et qui faisait tout craindre pour sa vie, m'obligea de lui faire une visite pour l'en avertir. « Si j'avais perdu M. de Benavides, me dit-elle, par un événement ordinaire, sa perte m'aurait été moins sensible, mais la part que j'aurais à celui-ci me la rendrait tout à fait douloureuse. Je ne crains point les mauvais traitements qu'il peut me faire. Je crains qu'il ne meure avec l'opinion que je lui ai manqué. S'il vit, j'espère qu'il connaîtra mon innocence et qu'il me rendra son estime. Il faut aussi, lui dis-je, madame, que je tâche de mériter la vôtre. Je vous demande pardon des sentiments que je vous ai laissés voir. Je n'ai pu ni les empêcher de naître, ni vous les cacher. Je ne sais même si je pourrais en triompher, mais je vous jure que je ne vous en importunerai jamais. J'aurais même pris déjà le parti de m'éloigner de vous, si votre intérêt ne me retenait ici. Je vous avoue, me dit-elle, que vous m'avez sensiblement affligé. La fortune a voulu m'ôter jusqu'à la consolation que j'aurais trouvée dans votre amitié. Les larmes qu'elle répandait en me parlant firent plus d'effet sur moi que toute ma raison. Je fus honteux d'augmenter les malheurs d'une personne déjà si malheureuse. « Non, madame, lui dis-je, vous ne serez point privé de cette amitié dont vous avez la bonté de faire cas, et je me rendrai digne de la vôtre par le soin que j'aurai de vous faire oublier mon égarement. » Je me trouvais effectivement, en la quittant, plus tranquille que je n'avais été depuis que je la connaissais. Bien loin de la fuir, je voulus, par les engagements que je prendrais avec elle, en la voyant, me donner à moi-même de nouvelles raisons de faire mon devoir. Ce moyen me réussit. Je m'accoutumai peu à peu à réduire mes sentiments à l'amitié. Je lui disais naturellement le progrès que je faisais. Elle m'en remerciait comme d'un service que je lui aurais rendu. Et pour m'en récompenser, elle me donnait de nouvelles marques de sa confiance. Mon cœur se révoltait encore quelquefois, mais la raison restait la plus forte. Mon frère, après avoir été assez longtemps dans un très grand danger, revint enfin. Il ne voulut jamais accorder à sa femme la permission de le voir, qu'elle lui demanda plusieurs fois. Il n'était pas encore en état de quitter la chambre que Madame de Benavides tomba malade à son tour. Sa jeunesse la tira d'affaire. Et j'eus lieu d'espérer que sa maladie avait attendri son mari pour elle, quoiqu'il se fût obstiné à ne la point voir. Quelque instance qu'elle lui en eût fait faire dans le plus fort de son mal, il demandait de ses nouvelles avec quelque sorte d'empressement. Elle commençait à se mieux porter quand Monsieur de Benavides me fit appeler. « J'ai une affaire importante, me dit-il, qui demanderait ma présence à Saragosse. Ma santé ne me permet pas de faire ce voyage. Je vous prie d'y aller à ma place. J'ai ordonné que mes équipages fussent prêts, et vous m'obligerez de partir tout à l'heure. Il est mon aîné d'un grand nombre d'années. J'ai toujours eu pour lui le respect que j'aurais eu pour mon père, et il m'en a tenu lieu. Je n'avais d'ailleurs aucune raison pour me dispenser de faire ce qu'il souhaitait de moi. Il fallut donc me résoudre à partir, mais je crus que cette marque de ma complaisance me mettait en droit de lui parler sur Madame de Benavides. Que ne lui dis-je point pour l'adoucir ? Il me parut que je l'avais ébranlé. Je crus même le voir attendri. « J'ai aimé Madame de Benavides, me dit-il, de la passion du monde la plus forte. Elle n'est pas encore éteinte dans mon cœur. Mais il faut que le temps et la conduite qu'elle aura à l'avenir effacent le souvenir de ce que j'ai vu. » Je n'osais contester ces sujets de plainte. C'était le moyen de rappeler ses fureurs. Je lui demandais seulement la permission de dire à ma belle-sœur les espérances qu'il me donnait. Il me le permit. Cette pauvre femme reçut cette nouvelle avec une sorte de joie. « Je sais, me dit-elle, que je ne puis être heureuse avec Monsieur de Benavides, mais j'aurai du moins la consolation d'être où mon devoir veut que je sois. » Je la quittai après l'avoir encore assuré des bonnes dispositions de mon frère. Un des principaux domestiques de la maison, à qui je me confiais, fut chargé de ma part d'être attentif à tout ce qui pourrait la regarder et de m'en instruire. Après ces précautions que je crus suffisantes, je pris la route de Saragosse. Il y avait près de 15 jours que j'y étais arrivé, que je n'avais eu encore aucune nouvelle. Ce long silence commençait à m'inquiéter, quand je reçus une lettre de ce domestique qui m'apprenait que, 3 jours après mon départ, Monsieur de Benavides l'avait mis dehors et tous ses camarades, et qu'il n'avait gardé qu'un homme qu'il me nomma, et la femme de cet homme. Je frémis en lisant sa lettre, et sans m'embarrasser des affaires dont j'étais chargé, je pris sur le champ la poste. J'étais à 3 journées d'ici, quand je reçus la fatale nouvelle de la mort de Madame de Benavides. Mon frère, qui me l'écrit lui-même, m'en paraît si affligé que je ne saurais croire qu'il y ait eu part. Il me mande que l'amour qu'il avait pour sa femme l'avait emporté sur sa colère, qu'il était prêt de lui pardonner quand la mort la lui avait ravie, qu'elle était retombée peu après mon départ et qu'une fièvre violente l'avait emporté le 5e jour. J'ai su depuis que je suis ici, où je suis venu chercher quelques consolations auprès de Dom Jérôme, qu'il est plongé dans la plus affreuse mélancolie. Il ne veut voir personne. Il m'a même fait prier de ne pas aller si tôt chez lui. Je n'ai aucune peine à lui obéir, continua Dom Daniel. Les lieux où j'ai vu la malheureuse Madame de Benavides, et où je ne la verrai plus, ajouteraient encore à ma douleur. Il semble que sa mort ait réveillé mes premiers sentiments, et je ne sais si l'amour n'a pas autant de part à mes larmes que l'amitié. J'ai résolu de passer en Hongrie, où j'espère trouver la mort dans les périls de la guerre, ou retrouver le repos que j'ai perdu. » Dom Daniel cessa de parler. Je ne pus lui répondre, ma voix était étouffée par mes soupirs et par mes larmes. Il en répandait aussi bien que moi. Il me quitta enfin, sans que j'eusse pu lui dire une parole. Dom Jérôme l'accompagna, et je restai seul. Ce que je venais d'entendre augmentait l'impatience que j'avais de me trouver dans un lieu où rien ne me déroba à ma douleur. Le désir d'exécuter ce projet hâta ma guérison. Après avoir langui si longtemps, mes forces commencèrent à revenir. Ma blessure se ferma, et je me vis en état de partir en peu de temps. Les adieux de Dom Jérôme et de moi furent, de sa part, remplis de beaucoup de témoignages d'amitié. J'aurais voulu y répondre, mais j'avais perdu ma chère Adélaïde, et je n'avais de sentiment que pour la pleurer. Je cachai mon dessein de peur qu'on ne cherchât à y mettre obstacle. J'écrivis à ma mère par Saint-Laurent, à qui j'avais fait croire que j'attendrais la réponse dans ce lieu où j'étais. Cette lettre contenait un détail de tout ce qui m'était arrivé. Je finissais en lui demandant pardon de m'éloigner d'elle. J'ajoutais que j'avais cru devoir lui épargner la vue d'un malheureux qui n'attendait que la mort. Enfin, je la priais de ne faire aucune perquisition pour découvrir ma retraite, et je lui recommandais Saint-Laurent. Je lui donnais, quand il partit, tout ce que j'avais d'argent. Je ne gardais que ce qui m'était nécessaire pour faire mon voyage. La lettre de Madame de Benavides et son portrait, que j'avais toujours sur mon cœur, étaient le seul bien que je m'étais réservé. Je partis le lendemain du départ de Saint-Laurent. Je vins, sans presque m'arrêter, à l'abbaye de la T. Je demandai l'habit en arrivant. Le père abbé m'obligea de passer par les épreuves. On me demanda, quand elles furent finies, si la mauvaise nourriture et les austérités ne me paraissaient pas au-dessus de mes forces. Ma douleur m'occupait si entièrement que je ne m'étais pas même aperçu du changement de nourriture et de ces austérités dont on me parlait. Mon insensibilité à cet égard fut prise pour une marque de zèle, et je fus reçu. L'assurance que j'avais par là que mes larmes ne seraient point troublées et que je passerais ma vie entière dans cet exercice me donna quelque espèce de consolation. L'affreuse solitude, le silence qui régnait toujours dans cette maison, la tristesse de tous ceux qui m'environnaient, me laissaient tout entier à cette douleur qui m'était devenue si chère, qui me tenait presque lieu de ce que j'avais perdu. Je remplissais les exercices du cloître, parce que tout m'était également indifférent. J'allais tous les jours dans quelque endroit écarté des bois. Là, je relisais cette lettre. Je regardais le portrait de ma mère Adélaïde. Je baignais de mes larmes l'un et l'autre, et je revenais le cœur encore plus plein de tristesse. Il y avait 3 années que je menais cette vie, sans que mes peines eussent eu le moindre adoucissement. Quand je fus appelé par le son de la cloche pour assister à la mort d'un religieux, il était déjà couché sur la cendre, et on allait lui administrer le dernier sacrement lorsqu'il demanda au père abbé la permission de parler. « Ce que j'ai à dire, mon père, ajouta-t-il, animera d'une nouvelle ferveur ceux qui m'écoutent, pour celui qui, par des voies si extraordinaires, m'a tiré du profond abîme où j'étais plongé, pour me conduire dans le port du salut. » Il continua ainsi. « Je suis indigne de ce nom de frère dont ces saints religieux m'ont honoré. Vous voyez en moi une malheureuse pécheresse qu'un amour profane a conduite dans ces saints lieux. J'aimais et j'étais aimé d'un jeune homme d'une condition égale à la mienne. » La haine de nos pères mit obstacle à notre mariage. Je fus même obligé, pour l'intérêt de mon amant, d'en épouser un autre. Je cherchais jusque dans le choix de mon mari à lui donner des preuves de mon fol amour. Celui qui ne pouvait m'inspirer que de la haine fut préféré, parce qu'il ne pouvait lui donner de jalousie. Dieu a permis qu'un mariage contracté par des vues si criminelles ait été pour moi une source de malheur. Mon mari et mon amant se blessèrent à mes yeux. Le chagrin que j'en conçus me rendit malade. Je n'étais pas encore établi quand mon mari m'enferma dans une tour de sa maison et me fit passer pour morte. Je fus 2 ans en ce lieu sans aucune consolation que celle que tâchait de me donner celui qui était chargé de m'apporter ma nourriture. Mon mari, non content des maux qu'il me faisait souffrir, avait encore la cruauté d'insulter à ma misère. Mais que dis-je, ô bon Dieu ? J'ose appeler cruauté l'instrument dont vous vous serviez pour me punir. Tant d'afflictions ne me firent point ouvrir les yeux sur mes égarements. Bien loin de pleurer mes péchés, je ne pleurais que mon amant. La mort de mon mari me mit enfin en liberté. Le même domestique, seul instruit de ma destinée, vint m'ouvrir ma prison et m'apprit que j'avais passé pour morte dès l'instant qu'on m'avait enfermé. La crainte des discours que mon aventure ferait venir de moi me fit penser à la retraite. Et pour achever de m'y déterminer, j'appris qu'on ne savait aucune nouvelle de la seule personne qui pouvait me retenir dans le monde. Je pris un habit d'homme pour sortir avec plus de facilité du château. Le couvent que j'avais choisi et où j'avais été élevé n'était qu'à quelques lieues d'ici. J'étais en chemin pour m'y rendre quand un mouvement inconnu m'obligea d'entrer dans cette église. À peine y étais-je que je distinguais parmi ceux qui chantaient les louanges du Seigneur une voix trop accoutumée à aller jusqu'à mon cœur. Je crus être séduite par la force de mon imagination. Je m'approchai, et malgré le changement que le temps et les austérités avaient apporté sur son visage, je reconnus ce séducteur si cher à mon souvenir. Que devins-je, grand Dieu, à cette vue ? De quel trouble ne fus-je point agité ? Loin de bénir le Seigneur, de l'avoir mis dans la voie sainte, je blasphémais contre lui de me l'avoir ôté. Vous ne punîtes pas mes murmures impies, ô mon Dieu, et vous vous servîtes de ma propre misère pour m'attirer à vous ? Je ne pus m'éloigner d'un lieu qui renfermait ce que j'aimais. Et pour ne m'en plus séparer, après avoir congédé mon conducteur, je me présentais à vous, mon père. Vous fûtes trompé par l'empressement que je montais, pour être admise dans votre maison. Vous m'y reçûtes, Quelle était la disposition que j'apportais à vos saints exercices? Un cœur plein de passion, tout occupé de ce qu'il aimait. Dieu qui voulait, en m'abandonnant à moi-même, me donner de plus en plus des raisons de m'humilier un jour devant lui, permettait sans doute ces douceurs empoisonnées, que je goûtais à respirer le même air et à être dans le même lieu. Je m'attachais à tous ses pas, je l'aidais dans son travail autant que mes forces pouvaient me le permettre, et je me trouvais dans ces moments payé de tout ce que je souffrais. Mon égarement n'alla pourtant pas jusqu'à me faire connaître. Mais quel fut le motif qui m'arrêta? La crainte de troubler le repos de celui qui m'avait fait perdre le mien. Sans cette crainte, j'aurais peut-être tout tenté pour arracher à Dieu une âme que je croyais et qui était toute à lui. Il y a 2 mois que, pour obéir à la règle du saint fondateur qui a voulu, par l'idée continuelle de la mort, sanctifier la vie de ses religieux, il leur fut ordonné à tous de se creuser chacun leur tombeau. Je suivais, comme à l'ordinaire, celui à qui j'étais lié par des chaînes si honteuses. La vue de ce tombeau, l'ardeur avec laquelle il le creusait, me pénétrèrent d'une affliction si vive qu'il fallut m'éloigner pour laisser couler des larmes qui pouvaient me trahir. Il me semblait depuis ce moment que j'allais le perdre. Cette idée ne m'abandonnait plus. Mon attachement en prit encore de nouvelles forces. Je le suivais partout, et si j'étais quelques heures sans le voir, je croyais que je ne le verrais plus. Voici le moment heureux que Dieu avait préparé pour m'attirer à lui. Nous allions dans la forêt couper du bois pour l'usage de la maison, quand je m'aperçus que mon compagnon m'avait quitté. Mon inquiétude m'obligea à le chercher. Après avoir parcouru plusieurs routes du bois, je le vis dans un endroit écarté, occupé à regarder quelque chose qu'il avait tiré de son sein. Sa rêverie était si profonde que j'allais à lui et que j'eus le temps de considérer ce qu'il tenait sans qu'il m'aperçût. Quel fut mon étonnement quand je reconnus mon portrait! Je vis alors que, bien loin de jouir de ce repos que j'avais tant craint de troubler, il était comme moi, la malheureuse victime d'une passion criminelle. Je vis Dieu irrité appesantir sa main toute puissante sur lui. Je crus que cet amour, que je portais jusqu'au pied des autels, avait attiré la vengeance céleste sur celui qui en était l'objet. Pleine de cette pensée, je vins me prosterner au pied de ces mêmes autels. Je vins demander à Dieu ma conversion, pour obtenir celle de mon amant. Oui, mon Dieu, c'était pour lui que je vous priais, c'était pour lui que je versais des larmes, c'était son intérêt qui m'amenait à vous. Vous eûtes pitié de ma faiblesse, ma prière, toute insuffisante, toute profane qu'elle était encore, ne fut pas rejetée. Votre grâce se fit sentir à mon cœur. Je goûtais dès ce moment la paix d'une âme qui est avec vous et qui ne cherche que vous. Vous voulûtes encore me purifier par des souffrances. Je tombai malade peu de jours après. Si le compagnon de mes égarements gémit encore sous le poids du péché, qu'il jette les yeux sur moi, qu'il considère ce qu'il a si follement aimé, qu'il pense à ce moment redoutable où je touche et où il touchera bientôt, à ce jour où Dieu fera taire sa miséricorde pour n'écouter que sa justice. Mais je sens que le temps de mon dernier sacrifice s'approche. J'implore le secours des prières de ces saints religieux. Je leur demande pardon du scandale que je leur ai donné, et je me reconnais indigne de partager leur sépulture. Le son de voix d'Adélaïde, si présent à mon souvenir, me l'avait fait reconnaître dès le premier mot qu'elle avait prononcé. Quelle expression pourrait représenter ce qui se passait alors dans mon cœur? Tout ce que l'amour le plus tendre, tout ce que la pitié, tout ce que le désespoir peuvent faire ressentir, je l'éprouvais dans ce moment. J'étais prosterné comme les autres religieux. Tant qu'elle avait parlé, la crainte de perdre une de ses paroles avait retenu mes cris. Mais quand je compris qu'elle avait expiré, j'en fis de si douloureux que les religieux vinrent à moi et me relevèrent. Je me démêlai de leurs bras, je courus me jeter à genoux auprès du corps d'Adélaïde. Je lui prenais les mains, que j'arrosais de mes larmes. « Je vous ai donc perdu une seconde fois, ma chère Adélaïde, m'écriai-je, et je vous ai perdu pour toujours. Quoi, vous avez été si longtemps auprès de moi, et mon cœur ingrat ne vous a pas reconnu? Nous ne nous séparerons du moins jamais. La mort, moins barbare que mon père, ajoutai-je, en la serrant entre mes bras, va nous unir malgré lui. La véritable pitié n'est point cruelle. Le père abbé, attendri de ce spectacle, tâcha, par les exhortations les plus tendres et les plus chrétiennes, de me faire abandonner ce corps que je tenais étroitement embrassé. Il fut enfin obligé d'y employer la force. On m'entraîna dans une cellule où le père abbé me suivit. Il passa la nuit avec moi sans pouvoir rien gagner sur mon esprit. Mon désespoir semblait s'accroître par les consolations qu'on voulait me donner. « Rendez-moi, lui disais-je Adélaïde, pourquoi m'en avez-vous séparé ? Non, je ne puis plus vivre dans cette maison où je l'ai perdue, où il a souffert tant de maux. Par pitié, ajoutai-je en me jetant à ses pieds, permettez-moi d'en sortir. Que feriez-vous d'un misérable dont le désespoir troublerait votre repos? souffrez que j'aille dans l'ermitage attendre la mort. Ma chère Adélaïde obtiendra de Dieu que ma pénitence soit salutaire. Et vous, mon père, je vous demande cette dernière grâce. Promettez-moi que le même tombeau unira nos cendres. Je vous promettrai à mon tour de ne rien faire pour hâter ce moment. Qui peut seul mettre fin à mes maux ? Le père abbé, par compassion et peut-être encore plus pour ôter de la vue de ces religieux un objet de scandale, m'accorda ma demande et consentit à ce que je voulus. Je partis dès l'instant pour ce lieu. J'y suis depuis plusieurs années, n'ayant d'autre occupation que celle de pleurer ceux que j'ai perdus. Fin des mémoires de Comminges.